sais pas. T'inquiète pas, on aura chacun notre part de souffrance, de regret. Je n'allais quand même pas tout garder, tout garder, tout garder, tout garder. Dans mon ventre j'entends le cri d'un guépard qui s'est coincé la queue quelque part. Entre ici et nulle part, et nulle part, et nulle part, et nulle part. Si j'avais su avant que t'étais une grosse conne, j'aurais plutôt épousé Simone. À 90 ans, c'est marrant, ça a moins d'énergie pour te casser le gland. On se sépare, je me moque de ton adresse, je veux plus te voir, je veux plus rester dans ton noir. Je remonte vers le soleil, l'espoir, l'espoir, l'espoir. On se sépare, on a fini d'en avoir marre, de se regarder les yeux plus noirs. Qu'un trou béant, qu'un cauchemar, un cauchemar, un cauchemar, un cauchemar. Si j'avais su avant t'étais une grosse conne, j'aurais plutôt épousé Simone. À 90 ans, c'est marrant, ça a moins d'énergie pour te casser le gland. Se maudire, s'injurier, on a passé tant de temps à se haïr en secret, on a passé tant de temps à se tromper qu'on ne va plus savoir user le temps désormais. On a passé du temps à se tendre des pièges, à rire à gorge déployée quand il fonctionnait, tant de temps à se crever les pneus en accusant les voisins qu'on ne va plus savoir user. Le temps désormais, on a passé du temps à dire aux enfants qu'on ne valait pas un clou, une ordure du vent. On a passé tant de temps à ne plus.